Orthodoxie, une émission proposée par Alexis Christostalis. Chers amis, nous célébrons aujourd'hui une grande fête, celle des Rameaux, une des 12 grandes fêtes de l'année qui marque une étape de caractère festif dans la longue période de préparation à la fête de Pâques prévue par le calendrier liturgique. En effet, après 3 semaines introductives, suivies du grand carême, période de 40 jours qui s'est achevée hier, nous entrons demain à la sainte et grande semaine qui nous conduira dimanche prochain au sommet de l'année liturgique, la fête que Grégoire le théologien a appelée la fête des fêtes. Pour parler de cette dernière ligne droite que constitue en quelque sorte la semaine sainte avant le dimanche de Pâques, nous recevons aujourd'hui le père Placide, igoumène du monastère Saint-Antoine le Grand et auteur de plusieurs ouvrages. Père Placide, quel est en fait le vrai sens de la sainte et grande semaine ? Oui, avec la grande semaine, nous arrivons au terme du carême, de cette longue période de préparation à la fête de Pâques, et cette semaine présente un caractère tout particulier. Je dirais même qu'elle comporte, on pourrait dire, 3 parties qui ont chacune leur signification et leur caractère propre. Il y a d'abord le samedi où nous fêtons la résurrection de Lazare et le dimanche des Rameaux, qui forment une sorte de prélude à l'ensemble de la grande semaine. Il y a ensuite les 3 premiers jours, lundi, mardi et mercredi, puis les derniers jours, jeudi, vendredi, samedi, c'est le samedi qui débouche sur la fête de Pâques elle-même, sur le dimanche de Pâques. Et les 2 premiers jours de ces jours, cette première période qui comporte donc le samedi de Lazare et le dimanche des Rameaux, est une sorte de prélude qui nous laisse déjà entrevoir tout le sens des célébrations dans lesquelles nous entrons. Toutes les 2 évoquent la résurrection. La résurrection de Lazare est au fond une annonce même de la résurrection du Christ et de la résurrection de toute l'humanité en lui, n'est-ce pas ? C'est un jour très festif, c'est un samedi où déjà on célèbre un office de caractère dominical, comme chaque dimanche nous célébrons la résurrection au cours de l'année, n'est-ce pas ? Et à travers de Lazare, c'est donc tout le mystère de la résurrection que nous entrevoyons. Le dimanche des Palmes, lui, célèbre l'entrée triomphale du Christ à Jérusalem, entrée et triomphe éphémère, évidemment, si on s'en tient à l'histoire stricte, car bientôt ce peuple qui l'acclame va crier « Crucifie-le, crucifie-le », n'est-ce pas ? Mais, symboliquement, si nous percevons avec le regard de la foi le sens de cette entrée, elle évoque tout le mystère de notre salut. Le Christ vient parmi nous, vient sur terre, pour établir le royaume de Dieu et nous faire entrer dans ce royaume. Et nous conduire, non pas seulement dans la Jérusalem terrestre, mais dans la Jérusalem céleste. C'est tout à la fois le sens même de Pâques comme mystère de résurrection, de notre résurrection, mais aussi avec sa signification eschatologique nous orientant vers cette entrée dans la Jérusalem céleste qui s'accomplira lors du retour du Christ à la fin des temps. Donc voilà le sens, évidemment très en résumé, de ces 2 premiers jours. Ensuite, nous avons le lundi, le mardi, le mercredi de la grande semaine. Ces 3 jours orientent eux aussi notre regard vers la fin des temps. Ils sont caractérisés par 2 tropères de 2 textes, composition patristique, on ne connaît pas les auteurs d'ailleurs, qui sont chantés chaque matin au début de l'office de matine durant ces 3 jours. On appelle dans cet office l'office de l'époux, et vous verrez pourquoi à l'instant. Je vous lis le texte de ces 2 tropères qui donnent le sens, l'esprit de ces 3 jours. Voici que survient l'époux au milieu de la nuit. Bienheureux le serviteur qu'il trouvera éveillé, malheureux celui qu'il trouvera indolent. Veille donc, ô mon âme, ne te laisse pas vaincre par le sommeil. À la mort tu serais livré, hors du royaume tu serais rejeté, mais éveille-toi et clame, saint, saint, saint es-tu, ô Dieu, par les prières de la Mère de Dieu, aie pitié de nous. Et le second repère est, je contemple ta chambre nuptiale, ô mon sauveur. Elle est toute parée, et moi je n'ai pas de vêtements pour y entrer. Rends lumineuse la robe de mon âme, ô toi qui donnes la lumière et sauve-moi. Donc ces 2 repères évoquent un certain nombre de textes évangéliques, par exemple la parole des 10 vierges, n'est-ce pas, ou encore la parole du festin, dont un des convives est exclu parce qu'il n'a pas la robe nuptiale. On sent la présence de ces textes évangéliques derrière les mots très sobres de ces trois pères. Mais l'un et l'autre orientent notre regard donc vers le retour du Christ à l'un des temps, le retour de l'époux et la résurrection finale qui est inséparable. Donc elle nous suggère l'orientation eschatologique et l'orientation vers la fin des temps de chaque fête de Pâques. Car dans la tradition liturgique de l'Église, chaque célébration liturgique a une triple signification. À la fois, elle rappelle des événements passés, les grandes interventions de Dieu dans l'histoire, et ici, le mystère pascal du Christ, sa souffrance, sa mort, sa résurrection, sont l'événement central de l'histoire à bien des égards, mais en même temps, les célébrations liturgiques rendent présents ces événements, les rendent actuels, pour nous permettre de les revivre pour notre compte, et en même temps, elle oriente notre regard vers l'accomplissement final de ce qui est commencé ici-bas. Quand nous célébrons la Pâque, soit ce passage du Seigneur de la mort à la vie, de la souffrance et de la mort à la vie, en même temps, nous célébrons ce passage définitif de l'humanité à la fin des temps, lors du retour du Christ, de la vie présente au monde de la résurrection, au royaume de Dieu, final, eschatologique, vers lequel tend toute l'histoire de l'humanité. Donc voilà le sens des textes que nous lisons durant ces trois premiers jours. Avec le Jeudi Saint, alors, commence véritablement la fête de Pâques. Le Jeudi Saint, nous évoquons déjà à la fois le dernier repas du Seigneur, la dernière scène, le dernier repas du Seigneur et ses disciples, et la trahison de Judas aussi. Mais nous allons alors, pendant les trois derniers jours, presque suivre pas à pas le Seigneur durant sa passion. Mais il ne faut pas oublier que ces trois jours forment un tout avec le dimanche de Pâques. Et dans l'Église ancienne, dans l'Église des premiers siècles, la fête de Pâques comportait uniquement justement ces trois jours. Elle était pratiquement l'unique grande fête liturgique de l'année. Et ces trois jours saints et le dimanche de Pâques formaient vraiment un tout, et c'est ça qu'on appelait la Pâque. D'ailleurs, une chose assez curieuse pour nous, c'est que souvent, lorsque les pères de l'Église, ces grands auteurs chrétiens des premiers siècles, emploient le mot Pâques, il désigne par là non pas simplement le dimanche de la résurrection, mais ces quatre jours finalement, les trois jours saints, les trois derniers jours saints, et le dimanche de Pâques. Et alors c'est ce qui explique des formules très curieuses où les pères disent que nous jeûnons à Pâques. Bon, nous ne jeûnons pas le dimanche de la résurrection, mais nous jeûnons les trois jours précédents qui font partie de la Pâque. Car, bien sûr, nous mettons l'accent sur ce déroulement historique des derniers jours du Seigneur sur cette terre avant sa mort et sa résurrection, mais cela fait vraiment un tout avec la résurrection. Et cela éclaire d'une lumière, d'une sorte de lumière intérieure, ces jours saints. Nous avons peut-être trop tendance, c'est une tendance qui s'est répandue en Occident, n'est-ce pas, de voir ces jours saints comme revêtus d'une sorte de tristesse, d'une certaine lourdeur même. Et quand nous voyons les textes liturgiques, et quand nous vivons ces jours saints dans la liturgie orthodoxe, en participant vraiment à tous les offices qui se suivent, on est très frappé de voir que la lumière de la résurrection transfigure déjà tout ce cheminement douloureux du Seigneur vers sa passion, vers la croix, vers la mort. D'ailleurs, vous voyez toutes les représentations anciennes du Christ en croix. Jamais ne représente le Christ comme un simple homme ayant atteint l'extrême de la souffrance et de la détresse. Toujours dans les icônes évoquant le mystère de la crucifixion, toujours nous percevons cette lumière, nous percevons cette paix de la résurrection, n'est-ce pas, qui transfigure toute la souffrance du Christ. Et c'est de cette façon aussi que nous devons nous-mêmes vivre ces jours saints. Donc, le Jeudi Saint, nous évoquons à la fois la dernière scène du Seigneur, l'instauration de l'Eucharistie, qui permettra à l'Église, au cours des siècles, d'actualiser, de célébrer, de revivre tout ce mystère pascal du Christ, chaque dimanche et même chaque jour de la semaine, d'une certaine façon. D'autre part, ce jeudi, nous évoquons aussi la trahison de Judas, donc il va être le point de départ de tout ce cheminement douloureux du Christ jusqu'à la croix. Le Vendredi Saint, c'est l'évocation, évidemment, de la crucifixion. Et justement, c'est là que nous sentons très bien combien cette vision liturgique de la souffrance du Christ est déjà illuminée intérieurement de la gloire de la résurrection. Quand on voit l'appel, la lumière qui pénètre tous ces textes. Je note que ces textes évoquent non seulement la trahison de Judas, mais aussi le refus du peuple juif de reconnaître le Christ. Et les textes liturgiques reprennent les reproches que les prophètes d'Israël adressaient au peuple juif, lui reprochant son infidélité à l'Alliance. Seulement, il faut bien se rappeler, justement, que si ces textes évoquent ce refus d'une grande partie du peuple juif et des chefs du peuple de reconnaître le Christ, ils réactualisent tout cela. Et il faut penser que, eh bien, aujourd'hui, ceux qui refusent le Christ, ces Juifs qui refusent le Christ, c'est nous, c'est chacun de nous, c'est par chacun de nos péchés, c'est par chacun de nos refus devant la grâce de Dieu que nous réactualisons malheureusement pour notre compte ce refus. Il ne faut pas voir du tout dans ces textes, percevoir des relents d'antisémitisme, cela n'a rien à voir. En réalité, si ce fait historique du refus d'une grande partie du peuple d'Israël, des princes, des prêtres, des scribes, de reconnaître le Christ dans le Messie, au contraire, nous entendons crier devant Pilate, crucifie-le, crucifie-le, eh bien il faut penser qu'aujourd'hui, c'est nous, par chacun de nos péchés, qui crucifions le Christ. Donc le Vendredi Saint, nous évoquons ainsi la crucifixion, la mort du Christ, et ce Vendredi Saint s'achève souvent le soir par déjà la célébration des matines du Samedi Saint, qu'on anticipe, cela dépend un peu des églises, mais assez souvent au vendredi soir. Et ces matines du Grand Samedi, du Samedi Saint, sont alors justement pénétrées d'une paix, d'une douceur qui atteint vraiment, le fond de notre âme. C'est un office extrêmement prenant, extrêmement touchant, et qui nous fait participer, bien sûr, à toute la souffrance des disciples du Christ et de la Mère de Dieu, devant le cadavre du Christ descendu de la croix, qui va être enseveli. Mais en même temps, nous sentons là cette douceur qui pénètre l'âme, cette paix du Grand Samedi. Le Grand Samedi est un jour, on peut dire vraiment rayonnant de paix, rayonnant de la paix du septième jour. Et cela fait penser un peu à ces bourgeons qui vont éclore, vous savez, la veille du printemps. On sent vraiment un bourgeonnement de vie qui va alors éclater, bien sûr, durant la nuit de Pâques, où nous célébrerons alors plus explicitement la résurrection. Mais j'anticipe un peu, et le Grand Samedi, il y a un office qui aujourd'hui est anticipé en fin de matinée, où nous avons un office qui est composé, c'est l'office des Vêpres du Grand Samedi, qui est composé à la fois d'un ensemble de lectures, il y a là 15 lectures empruntées à l'Ancien Testament, entrecoupées de chants. Ces 15 lectures ensuite vont déboucher alors sur une célébration de la liturgie de Saint-Basile, la liturgie eucharistique de Saint-Basile. En fait, cet office est la forme la plus ancienne de la célébration de Pâques, de la célébration totale de Pâques, parce que cet office, en réalité, autrefois, avait lieu dans la nuit de Pâques, et à cette époque, il n'y avait pas encore de matine pascale. Et cet office évoque à la fois la préparation, l'attente de la résurrection, et c'est pour cela qu'on a ces 15 lectures empruntées à l'Ancien Testament, et il constitue, on pourrait dire, une merveilleuse anthologie des textes de l'Ancien Testament où l'Église a lu une annonce du mystère du Christ, des annonces du mystère de sa mort et de sa résurrection, du mystère de notre participation à la mort et à la résurrection du Christ dans le baptême. Ces textes donc sont d'une très grande plénitude spirituelle et ils constituent en même temps l'ultime catéchèse des baptisés. Car après ces 15 lectures avait lieu, ou même quelquefois pendant ces 15 lectures, selon le nombre de catéchumènes qu'il y avait lieu le baptême des catéchumènes. Le baptême de ces nouveaux adeptes du christianisme, qui depuis plusieurs années étaient catéchumènes, c'est-à-dire se préparaient au baptême, et qui, durant le dernier carême, avait reçu un ensemble d'instructions plus intenses, avait été préparé de façon plus immédiate à leur baptême, et c'est dans la nuit pascale, mais au moment de cette célébration, et après dans cet ensemble de lectures, qu'ils recevaient le baptême. Aujourd'hui, quand on le peut, on célèbre encore des baptêmes. Je vois dans nos monastères, il arrive que nous avons soit des baptêmes d'enfants, soit même parfois des baptêmes d'adultes, parce que nous recevons quelquefois dans l'église des adultes qui n'avaient pas du tout été baptisés encore. Et c'est très émouvant de retrouver aujourd'hui, de voir ce lien avec l'église des tout premiers siècles. C'est cela que la liturgie nous fait toucher du doigt, cette continuité dans la vie de l'église. De voir que notre célébration aujourd'hui de Pâques, avec ses trois jours saints, les trois derniers jours de la semaine sainte, et la nuit pascale, et cette office du grand samedi, tout cela nous replonge vraiment dans les premiers siècles de l'église. Quand nous lisons les textes des pères de l'église, qui parle de ce mystère de Pâques, cela redevient pour nous d'une actualité. Nous sentons combien nous participons, combien nous sommes dans la continuité sans faille avec cette église des premiers siècles. Il y a quelque chose de vraiment merveilleux. Donc, quand c'est possible, on célébrera à ce moment-là des baptêmes, et ensuite, alors, nous avons la liturgie de Saint Basile. Il existe, dans l'église orthodoxe, deux textes pour la liturgie eucharistique. L'un est dû à Saint Basile, et c'est celui dont je vous parlais à l'instant, l'autre à Saint Jean Chrysostome. Ce sont deux pères de l'Église du IVe siècle, parmi les plus grands, qui ont composé le texte des liturgies eucharistiques, non pas de toutes pièces, car ils ont utilisé la tradition existante de leur temps, mais ils ont chacun apporté leur marque propre, mis le sceau de ce qui caractérisait leur enseignement. Jadis, c'était la liturgie de Saint Basile qu'on célébrait habituellement, tous les dimanches. Et la liturgie de Saint Jean Chrysostome, qui est plus courte, était utilisée quand, occasionnellement, on voulait avoir une liturgie un peu plus courte. Au cours des siècles, ce mouvement s'est inversé. Maintenant, c'est la liturgie de Saint Jean Chrysostome qui est célébrée le plus souvent au cours de l'année. Et la liturgie de Saint Basile est réservée au dimanche de carême, une dizaine d'occasions de l'année. Mais des moments sont particulièrement solennels, particulièrement signifiants sur le plan liturgique. Et justement, dans ce grand samedi, ou plutôt dans cet office qui était jadis l'office de la nuit pascale, nous célébrons la liturgie de Saint Basile, qui est d'une grande beauté, d'une grande plénitude, assez longue bien sûr. Et alors, cette liturgie, dans les premiers siècles de l'Église, était le sceau de la célébration pascale. Elle célébrait déjà la résurrection. Comme je vous le disais, à cette époque-là, les matines de Pâques et la liturgie du jour de Pâques n'existaient pas. L'unique célébration, c'était cela. C'était cet office des Vêpres avec ses 12 lectures, les baptêmes, puis la liturgie de Saint Basile, où on sentait éclater alors la résurrection, le mémorial de la résurrection du Christ. Bon, avec le temps, on a éprouvé le besoin davantage de marquer la succession des événements, n'est-ce pas? Et cet office, donc, du Grand Samedi, apparaît un petit peu comme un vestige de l'Antiquité chrétienne, mais en même temps, nous y tenons beaucoup parce que, justement, il évoque cette manière de célébrer Pâques du temps des pères de l'Église au IVe, Ve siècle, et c'est très, très émouvant de la retrouver aujourd'hui. Même si, alors, nous avons, après cela, le dimanche de Pâques, les matines de Pâques, et la célébration du dimanche de la résurrection. Ce dimanche de la résurrection, d'ailleurs, qui va se prolonger pendant 50 jours. 50 jours qu'on appelait la Sainte Cinquantaine, en grec Pentecosti. Si bien quand on parlait de Pentecôte, il ne s'agissait pas du dimanche de la Pentecôte qui clôt cette cinquantaine, mais de cette Sainte Cinquantaine, voyez-vous. Donc il y avait la Pâque, c'est à la fois les trois derniers jours saints et le dimanche de Pâques, et ce dimanche de Pâques inaugure la Sainte Cinquantaine, dont nous aurons l'occasion de parler à un autre moment. Merci Père. Donc, vous parliez des 50 jours qui suivent, il y a à peu près 50 qui précèdent évidemment avec le carême, avec la grande semaine, plus les trois semaines qui ont précédé, des périodes longues de préparation et puis des festivités longues pour clore la période pascale. Ça fait un sommet dans l'année liturgique. Je voulais préciser aussi, vous avez évoqué les matines des jours de la semaine sainte. Dans l'ordo adopté, la pratique adoptée par les paroisses, d'habitude elles sont célébrées la veille au soir. soir, ce qui fait que ce soir nous allons déjà célébrer les matines du lundi saint, et nous entrons donc de cette manière dans la grande semaine avec l'office de l'époux dont vous parliez tout à l'heure. Donc pour clore cette émission, quelques minutes, quelle est l'attitude que le chrétien doit adopter dans l'approche de Pâques, qui maintenant est imminente? Je pense que la meilleure manière, si on a un peu de temps libre pendant les grandes semaines, c'est d'abord, bien sûr, d'assister aux offices, à tous les offices où on peut assister, où on a le loisir d'assister, et aussi de relire les évangiles, au moins de relire dans les quatre évangiles tous les récits de la Passion, en tâchant de s'en pénétrer, de les laisser vraiment résonner dans son cœur, de ne pas en faire une lecture intellectuelle, cérébrale, je dirais. Ce n'est pas le moment de faire une recherche exégétique, mais c'est le moment de les lire vraiment en leur laissant éveiller un écho dans notre cœur. Je crois que c'est une pratique qui se révélera extrêmement féconde si vous pouvez y consacrer un moment. Et puis évidemment, on peut compléter par la lecture des chants liturgiques. La liturgie est toujours, elle porte la théologie, elle explique toujours, elle nous aide à recevoir les mystères de l'Église. Et cette semaine est très riche. D'ailleurs, il y a beaucoup d'hymnes qui nous sont chantés qu'une fois par an, oui. Au cours de cette semaine. Donc une littérature extrêmement abondante et extrêmement importante aussi. Je voulais dire avant de terminer, recommander de lecture très importante, toutes les deux dans la collection de la spiritualité orientale, éditée par l'abbaye de Bellefontaine. La première, Le Grand Carême, et ce sont des textes du père Alexandre Schmemann, du regretté père Alexandre Schmemann. Puis le deuxième, Le Mystère Pascal, commentaire liturgique. Et là, c'est encore le père Alexandre Schmemann et Olivier Clément, et c'est vous-même, père Placide, qui avez préfacé cet ouvrage. Donc, je rappelle Le Grand Carême et Le Mystère Pascal dans la collection Spiritualité Orientale aux éditions de l'abbaye de Bellefontaine. Voilà, père Placide, nous allons nous retrouver donc dans 15 jours. Ce sera le dimanche de Thomas, mais nous allons bien sûr parler de Pâques, et cette émission sera complétée par le message du métropolite Emmanuel, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, proposée par Alexis Chrysostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Marie-Dominique Bougaud. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris SEDEC 16. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.